Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, danse congo jusqu'à me faire moins mal. Carolina, Carolina, danse congo jusqu'à me faire moins mal. Danse congo, la yé congo. Danse congo, la yé congo. Carolina, Carolina, aide-moi tes oreilles enragées. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, yeah.